Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Levons-nous pour la prière. Tusimame juu ya maombi. Nous lisons dans Apocalypse au chapitre 6. Tutasoma mufunuo sura ya sita. Seigneur, merci. Bwana asante. Une journée a été ajoutée à notre vie terrestre. Siku moja irongezeka ku maisha yetu ya padunia. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Na tunakushukuru sana juu ya ile. Lorsque nous voyons les événements qui se déroulent dans le monde, wakati tukunaona maandamano ya mambo yanafanyika mdunia, et nous considérons la prophétie, na tunaangalia maunabii, nous comprenons qu'il n'y a plus de temps. Tunaelewa ya kwamba hakuna tena wakati. Seigneur, viens maintenant. Bwana yuko anakuja sasa hivi. Réveille notre esprit. Wamushe roho yetu. Pour nous préparer pour cet avènement. Ili tupate kujitayarisha juu ya ile siku. Donne-nous l'esprit qui avait oint Daniel. Utupatike roho ile ilimpaka mafuta Danieli. Lorsqu'il vit qu'il ne restait que deux ans de la captivité. Wakati aliona kwamba kulibakia tu miaka mbili juu ya kufungwa. Il s'est mis à prier. Alianza kuomba. À se repentir. Na kutubu. Et à prêter son cœur. Na kutayarisha moyo wake. À te supplier pour que tu apprêtes aussi les cœurs des enfants d'Israël. Na ukusi juu pate kutayarisha tena mioyo ya batoto ya Israeli. Viens Seigneur, ukuje Bwana, et accomplis ta volonté en nous. Na utimize mapenzi yako ndani yetu. Bénis chacun de nous ce soir. Ubariki kila mmoja wetu mangaribi ya leo. Bénis la parole que nous allons lire. Ubariki neno ile tutasoma. Élève-nous dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Utunyanyue pale pa mbingu ndani ya Yesu Kristo. Que tout se fasse pour ta gloire. Yote ifanyike juu ya utukufu wako. Au nom de Jésus-Christ. Mujina ya Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Dans l'Apocalypse au chapitre 6. Mufunuo sura yake ya sita. Dans son verset 12, commençons par là. Mustari ya 12 tuanzie pale pale. J'ai regardé quand il ouvrit le sixième sceau. Nilikuwa naangalia wakati alifungula muri ya sita. Et il y eut un grand tremblement de terre. Na kukakuwa mutetemeko mkubwa ya bulongo. Le soleil devint noir comme un sac de crin. Na jua ikakuwa mweusi sawa mfuko ya mbego. Yamanyonya. La lune entière devint comme du sang. Na mwezi yote mzima ikakuwa sawa damu. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les fugues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Na manyota ya kumbingu ikanguka padunia sawa mikuyu walitengiza na kwa pepo mkubwa na kuangusha matunda yayo ya mbiti. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Na mbingu ikatoka sawa kitabu ile wanafunga. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Na milima yote na mabisanga yote ikatikizika pafazi yayo. Le roi de la terre, les grands et les chefs militaires, bakubwa bapadunia bakubwa baaskari, les riches, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres, batajiri batu ya uwezo batumwa na batu huru, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Bakrafichama mumashimo na mumaiwe ya mwa, ya milima. Et il disait aux montagnes et aux rochers. Walikuwa naambia milima na miamba. Tombe sur nous. Mutu angukie. Et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Na mutufiche uso ya huyo mwenye kuikala pakiti yake ya enzi. Et devant la colère de l'agneau. Na mutufiche mbele ya kasirani ya mwana kondoo. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Kwani siku mkubwa ya kasirani yake inakuja, ni nani anaweza kushindana nayo? Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka usomi wa neno lake. Comme nous avons insisté hier, paka vile turuweka mkazo jana, après que l'Antichrist ait brisé l'alliance, kisha huyu mpinga Kristo kuvunja ile agano, on arrive à un temps où ce dernier manifeste toute la puissance de Satan. Nafika mukimo ile huyu mtu anaonesha uwezo yote ya shetani. Et il se conduit avec une autorité absolue sur toute la terre. Na anajongoza na mamlaka ya juu kabisa pa dunia mzima. Il devient le maître qui contrôle tout. Anakuwa bwana mwenye kuongoza vitu vyote. Il le fait avec méchanceté, avec arrogance, sans aucun respect envers Dieu ni envers sa parole. Anaifanya na kiburi na majivuno yote bila kuwa na heshima hata kimoja mbele ya Mungu na mbele ya neno lake. Il tue qui voudra. Ekona uwa yeyote ule anapenda kuua. Et même les saints pendant cette période ne seront pas épargnés. Hata watakatifu mwile wakati hawataepushwa. C'est lorsque Dieu voit ces comportements de l'Antichrist, wakati ile Mungu anaona namna ya kutenda ya huyu mpinga Kristo, comme nous l'avons déjà montré, paka vile tuliko tunesha ionesha, qu'il se met aussi en colère. Mungu naye pia akasirika. La bête va tuer les 144,000. Huyu nyama ataua 144,000. Il va tuer les vierges folles. Ataua pia babikira bumbafu. Dieu ne peut plus supporter cela. Mungu aweze tena kuvumilia ile. Il ne peut pas voir ses enfants être maltraités jusqu'à ce niveau-là. Mungu aweze kuona batoto yake bateseke mwile namna. C'est ainsi que l'agneau, le sauveur, se met à son tour en colère. Nimuina muna mwana kondo mokozi naye pia akasirika. Quand l'agneau est en colère, wakati ile mwana kondo naye anasirika, le sauveur est fâché. Mokozi anakuwa katika kasirani. Qui sera sauvé? Nani tena ataokolewa? Aujourd'hui, Christ est un agneau, Léo un sacrificateur, Léo un avocat. Léo y Christ, ni mwana kondo, yeye ni mkuwani na ni mutetezi. Il n'est pas fâché. Ashishirika pana. Aujourd'hui, il pardonne. Léo y eko na il tame. Sauve. Anaokoa. Il guérit. Anaponya. Il est miséricordieux. Eko wareema. Mais quand ce dernier se met en colère, lakini wakati yeye akikishirika, c'est fini. Kuna malizika. Et quand ce dernier se met en colère, wakati Kristo akishirika, le monde entier, le monde des incrédules, ulimwengu mzima manake bakutokuamini, doit sentir sa colère. Banapashi basikie kasirani yake. C'est ainsi que dans l'Apocalypse au chapitre 8, Chukumana, mufunuo sura munane, dans son verset 2, nous commençons par là. Mustari apiri, tuanzie pale pale. Et j'ai vu les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et cette trompette leur fut donnée. Nanikaona ba malaika saba benye kusimama mbele ya Mungu na maparapanda saba ikawapewa. Le verset 3 et le verset 4 mustari ya tatu na ya ine parle de l'adoration. Inasema yule ya mabudu de tous ces anges qui sont au trône de Dieu. Ya mabudu ya baba malaika bote benye kwa kando kando ya kiti ya enzi ya Mungu. Mais regardez le verset 5. Sasa tazameni mustari ya tano. Et l'ange prit l'encensoir, les remplit de feu de l'autel et les jeta sur la terre. Na malaika akachukua imbabula na akaijaza na moto ya kutoka ku madhabu. Et les jeta sur la terre. Na akaitupa padunia. Et il eut deux voix, deux coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Na kukakua masauti, ma miungurumo, ma umeme, kukakua tena na kutetemeka kwa dunia. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Na wa malaika wale walikuwa na maparapanda saba wakajitayarisha juu ya kuipiga. Le verset 2, le verset 5 et le verset 7. Mustari ya pili, mustari ya tano na mustari ya saba. Il y a ces sept anges qui tiennent les trompettes. Kuko wa malaika saba wenye kushika maparapanda saba. Et qui se prépare à les sonner pour annoncer la colère de Dieu sur la terre. Na wanajitayarisha wapate kupika ile parapanda juu ya kutangaza kasirani ya Mungu. Le verset 7. Musari ya saba. Le premier sonna de la trompette. Malaika wa kwanza akapika parapanda. Et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Ukakuwa mvula ya mawe na moto yenye kuchanganyika na damu ikatupiwa pa dunia. Le tiers de la terre fut brûlé. Kipande kuvipande ya tatu ya dunia ikalungua. Le tiers des arbres fut brûlé. Kipande moja kutatu ya miti nayo ikalungua. Et toute herbe verte fut brûlé. Na majani yote mabichi nayo ikalungua. Quand le premier ange sonne sa première trompette, wakati huyo malaika wa kwanza anapika parapanda yake, la colère de Dieu jette des fléaux sur la terre. Na kasirani ya Mungu inapika mapigo pa dunia. La grêle et le feu mêlé au sang furent jetés sur la terre et les terres de la terre furent brûlées. Vula ya mawe, moto yenye kujanganika na damu ikatupa kwa dunia na kipande ya moja kutatu. Les pierres des arbres furent brûlées. Kipande moja kutatu ya bulongo ikalungua. Et les herbes furent brûlées. Pamoja na mayani ikaungua. Le deuxième ange sonna de la trompette. Malaika wa pili naye akapika parapanda. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer. Na kitu kimoja sawa mlima mkubwa yenye kuchomwa na moto ikatupwa mbahari. Et les terres de la mer devint du sang. Na kipande moja kutatu ya bahari ikakuwa damu. Les terres de créatures qui étaient dans la mer et qui avaient le souffle de vie périt. Na kipande moja kutatu ya biumbe bila vilikuwa mbahari bi bika kufa. Et les tiers des navires furent détruits. Kipande moja kutatu ya merekebu nayo ikaribika. Vous voyez ici comment Dieu commence à purifier la terre. Munaona namna kani hapa Mungu anaanza kutakasa dunia. Parce qu'ici n'est plus un agneau. Wani hapa ana tena mwana kondoo. Ici il est en colère. Hapa iko katika kasirani. Il commence à détruire la terre et ce qui se trouve dans la mer. Anaanza kuharibu dunia na vyote vyenye upatikana mbali. Le troisième ange sonna de la trompette. Malaika wa tatu naye akapika parapanda. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Ukanguka toka mbingu nyota mkubwa sana yenye kuangaa sawa dimi ya moto. Elle tomba sur les terres des fleuves et des sources du zoo. Ikangukia yulu ya kipande moja kutatu ya mto na yulu ya ma mito. Le nom de cette étoile est l'absinthe. Jina ya inyota manaita absinthe. Les terres des eaux fut changée en absinthe. Na kipande moja kutatu ya bulongo ikabadilika kuwa absinthe wala sumu. Kuchungu. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elle était devenue amère. Na watu mingi wakakufa kupitia hii maji kwani hii maji ilikuwa ya uchungu. Maintenant l'agneau est en colère. Hapa sasa mwana kondoo iko katika kasirani. La nature doit être châtiée. Maumbile inapashi yapizwe. Les animaux doivent être châtiés. Banyama banapashi baapizwe. Les mers doivent être châtiées. Bahari inapashi yapizwe. Quand les eaux changent. Wakati maji et deviennent amers. Maji inabadilika inakuwa kwa uchungu. Qui peut le boire? Nani tena anaweza kuikunywa? C'est le temps de la tribulation. Ni wakati ya mateso makubwa. Le monde entier doit sentir la colère de l'agneau. Ulimwengu mzima inapashi isikie kasirani ya mwana kondoo. Le quatrième ange sonna de la trompette. Malaika wa nne naye akapika parapanda. Et le tiers du soleil fut frappé. Na kipande moja kutatu ya jua ikapikwa. Ainsi que le tiers de la lune. Pamoja ni kipande moja kutatu ya mwezi. Et le tiers des étoiles. Na kipande moja kutatu ya nyota. Afin que le tiers en soit obscurci. Ili kipande moja kutatu ikakuwa magiza. Le jour perdit un tiers de son éclat. Na mchana ikapoteza kipande moja kutatu ya kuangala kwagio. Et la nuit de même. Na usiku hivyo hivyo. C'est vrai. Ni kweli. J'ai regardé. Nikangalia. Et j'ai entendu un aigle qui volait au milieu du ciel. Na nikasikia tai moja ulikuwa naruga katikati ya usiku. Disant d'une voix forte. Akasema na sauti mkubwa. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des sons des trompettes que les trois anges vont faire retentir. Akasema ole. Ole wao wakaji wa padunia kwa ajili ya hii mulilio tatu ya maparapanda ya wa malaika ile watapika tena. Ici, dans le chapitre 8, c'est l'accomplissement du septième sceau. Musura ya munane ni kutimilika kwa muri ya saba. La grâce n'est plus. Nema inako tena. Les gens sentent la colère de l'agneau. Watu wananza kusikia kasirani ya mwana kondoo. Les trompettes sonnent et les malheurs s'abattent sur la terre. Ma parapanda inalia na ole inashuka pa dunia inanguka pa dunia. Maintenant si vous mettez votre confiance dans toutes ces choses matérielles. Sasa kama ces weye, choses naturelles. Kama weye unaweka tumaini yako ndani ya vitu ya pa dunia, vitu ya asili. Vous êtes un homme malheureux. Parce que toutes ces choses ici doivent être brûlées. Wani ibibitu biote bilo natumainia bitachomwa. Dieu commencera d'abord par brûler tout ce que les gens espèrent, sur lesquels ils mettent leur confiance. Dieu frappe la lune, il frappe le soleil, il frappe les étoiles et il perd les tiers de leur clarté. Mungu atapika jua, anapika mwezi, anapika na dunia, inapoteza kipande yalo ya kuangala. Dans le chapitre 9. Musura yake ya 9 wala ya 9. Dans son verset 1 de l'Apocalypse, Musari ya kwanza hii ufunuo sura 9, le cinquième ange sonna de la trompette et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Malaika wa tano naye akapika parapanda, nikaona nyota ile ilianguka toka mbingu, kuanguka pa dunia. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Fungulo ya mulango ya shimo ikampewa. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Nakafungula shimo mulango ya shimo. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Na mukatoka mule mushimo, mukatoka moshi wala shimoko, sawa shimoko ya tanuru. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Na jua pamoja na hawa ewa yote katiwa magiza. Des sauterelles sortirent de la fumée. Na mpanjo ikatoka mule mushimo. Et se répandirent sur la terre. Ikazambaza pa dunia. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre. Na ikapewa uwezo sawa uwezo yenye kuwa na nge pa dunia. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'arbre de la terre, à l'herbe de la terre. Ile mpanjo iliambiliwa ya kwamba musitende kibaya kwa majani yote ya ni ya aucune verdure wala kwa majani yote ya padunia ni ya aucun arbre wala kumuti hata moja mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Alakini ipate kuteswa paka bale bantu basipokuwa na muri ya Mungu pa uso yabo. C'est vrai. Ni kweli. Cette étoile ignota du cinquième ange qui sonne le cinquième, la cinquième trompette. Ya huyo malaika wa tano mwenye kupika parapanda ya tano. À qui on a remis la clé pour qu'il aille ouvrir l'abîme. Mwenye walipatia funguo ili apate kwenda kufungua shimo. Et les sauterelles sortent. Na mpanjo inatoka mule. Ils ont le pouvoir des scorpions. Ikuna uwezo yange. Et ils reçoivent l'ordre de la part du Seigneur de ne pas faire du mal à l'arbre, ni à une verdure. Na ikapewa uwezo ishitende bubaya kwa majani, kwa miti, wala kwa viumbile bingine. Parce que ces choses ont déjà été frappées. Kwani hivi viumbile bingine vilitanguliwa kupikwa. Ah, dans le son de la trompette du premier ange. Mumulilio ya parapande ya ule malaika wa kwanza. Maintenant, on devait seulement châtier les hommes. On doit châtier les hommes. Et la Bible est précise. La Bible est précise. Cet ange du cinquième trompette, de la cinquième trompette, il a seulement une mission de faire du mal à ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Ya kufania bibaya kwa bale batu basipokuwa na muri ya Mungu pa uso yabo. Il doit seulement tuer ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Anapashu kuua paka bale basipokuwa na muri ya Mungu. Il doit tourmenter ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Anapashu kuangaisha bale abana na Roho Mtakatifu. Frère, ndugu, ma sœur, tata yangu, si les herbes qui n'avaient pas péché les arbres qui n'avaient pas péché, les eaux qui n'ont jamais péché, les fleuves et les sources qui n'ont jamais péché, ont été frappés par la colère de Dieu. Et quand sera, lorsque la colère de Dieu frappera ceux qui ont refusé le baptême du Saint-Esprit? Et toi aujourd'hui qui jouais, tu penses que nous sommes en train de chanter l'hymne congolaise? Unawazia sema tunaimba wimbo ya wakongomani. Vous ne considérez pas ce que le Saint-Esprit est en train de dire? Weye awangalishishe na kuchunga kile Roho Mtakatifu iko nasema. Quel sera ton sort ce jour-là? Sasa mambo yako itakuwa namna gani ile siku? Quand le cinquième ange sonnera sa trompette. Wakati ule malaika watano atapika parapanda yake. Tous ceux qui n'ont pas reçu le sceau de Dieu, le Saint-Esprit, wale wote wakupokee muri ya Mungu, Roho Mtakatifu, ils seront tourmentés. Watangaishwa, watateseka. Ils seront tués. Watauawa. Le verset 5 dit, sare atano inasema, il leur fut donné non de les tuer. Walipewa uwezo hapana ya kubaua. Mais de les tourmenter pendant 5 mois. Lakini walipewa uwezo ya kubangaisha kadiri ya miezi 5. Et leur tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Na ile maumivu ilikuwa na baumiza, ilikuwa na bateseshwa, ilikuwa sawa maumivu yenye kuuma wakati unaumwa na nge. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui a déjà été piqué par un scorpion? Eti kuku mutu katikati yetu ula nesha umizwa na nge? Y a-t-il quelqu'un? Eti ekwako? Mete frère. Unyoloshe mkono ndugu yangu. Comment avez-vous ressenti? Urisikia kama maumivu namna gani? Maumivu ya nge? Parle à haute voix. Useme na sauti mkubwa. On n'entend rien. Atusikie kitu. Qu'est-ce que tu avais ressenti? Urisikia kama namna gani? Ça fait très mal, atroce. Frère, ndugu zangu. Ma sœur, Dada yangu, je donne l'ordre Mungu analeta agizo que ne les tuez pas. Ya kwamba msiwaue. Vous les mordez seulement. Mweye mubaumize tu. Vous les tourmentez pendant 5 mois. Mubangaishe kadiri ya miezi 5. Frère, la douleur d'un scorpion est insupportable. Yange hakuna namna ya kuivumilia. C'est une douleur atroce. Ni maumivu ya kabisa. Et tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui ont rejeté le Saint-Esprit, qui négligent le Saint-Esprit, vont subir la colère de Dieu dans le son de la trompette de ce cinquième ange. Wale wote wana na Roho Mtakatifu, wale wote walizarau pokea Roho Mtakatifu ya Mungu wataumizwa na kusikiliza maumivu ya nge. Le verset 6 continue et dit, mstari ya 6 inaendelea kusema, ah, ce jour-là, ile masiku, les hommes chercheront la mort, watu watatafuta kufa, et ils ne la trouveront pas. Lakini hawatakufa kamwe, watatafuta lufa, watalupata. Ils désireront mourir, watatamani bakufa, et la mort fuira loin d'eux. Watatafuta bakufa, lakini lufu itawakimbia mbali. C'est vrai, frère. Bien quoi, ndugu yangu. La mort sera préférable. Lufu itakuwa kwa yambo, itakuwa yako mzuri kushindia. Au douleur. Kushindia maumivu. Qui viennent de ces scorpions. Ya kutokea kwange. Mais à ce moment-là. Alakini ile wakati. Même la mort dira. Ata lufu lunyelu tatsema. À ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, je n'aime pas avoir le problème avec celui qui est en colère. Lufulu tasema, mimi sipende kuwa na mambo na ule anaisha sirika. Il vous avait donné tout le temps. Alimipatia wakati yote. Pour que vous soyez scellés de son sceau, vous l'avez négligé, vous l'avez rejeté, vous avez refusé, maintenant il est en colère, même moi la mort je ne peux rien. Ou t'avais kisu, tu prendras le couteau, tu vas t'en poignarder, kisu kinakatala kukua, et le couteau, le poignard va refuser de tuer. Utabeba nkamba, va chercher une corde, unajitunjika, et te pendre, juu mateso imalizike, pour que la souffrance puisse terminer, kamba inakatala kukua, et la corde va refuser de te tuer. Utajibeba unaenda kujitupa mumoto, tu vas te jeter dans le feu, juu akusema ukufu we, que tu meurs, moto inasema et le feu va refuser, uko na mambo, tu as affaire, na ule ambao, à celui, anaisha kushirika, qui est en colère. Tu peux même te jeter dans la mer. Bari takatala. Et la mer va refuser. Utatafuta sumu unakunywa. Tu vas chercher du poison et tu le bois. Sumu inakuya sukari. Et le poison devient comme du sucre. Tout ça pourquoi? Il est dû à nini? Parce que tu as rejeté le Saint-Esprit. Rome Takatifu. Tu as négligé de recevoir les sceaux de Dieu pendant que l'agneau voulait te marquer de son sceau. C'est vrai, frère. Tu vas chercher une arme. Tu vas tirer des balles pour te tuer. Et les balles vont refuser. En disant je ne peux pas avoir de problème avec l'agneau qui est en colère. Ça sera des jours, il t'a pas ni masiku, de grandes souffrances. Il y a maté sur ma kubwa. Pendant 5 mois, kadiri ya jour et nuit, tano, vous êtes tourmenté parce qu'aujourd'hui tu as refusé nakata, le baptême du Saint-Esprit. Voilà ce qui t'attend. Tazama ile inakuchunga. Vous allez désirer la mort. Et la mort fuira loin de toi. Vous chercherez la mort. Et vous ne la trouverez pas. Ce sauterelle ressemble à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or. Et leur visage était comme un visage d'homme. Ce sont des démons terribles. Maintenant le temps est arrivé où ils doivent faire leur travail. Ils avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elle avait des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chars à plusieurs chevaux qui roulent au combat. Qui court au combat. Na makelele yabo ilikuwa sawa makelele ya na mabawa yabo ilikuwa sawa makelele ya magari ya washe armée de flèches. Walikuwa na mkia yenye pointu. Walikuwa na mkila yenye kuwa na ma comme les scorpions. Et c'est dans leur cœur qu'ils avaient le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Na ni mumikila yabo njo walikuwa na uwezo ya kufanyishia vibaya ya watu kadiri ya miezi 5. C'est vrai frère. Bien kweli ndoko. Ça sera un temps difficile. Itakuwa wakati ya nguvu ya mbaya. Pour ceux qui ont rejeté le Saint-Esprit. Wabale bari katala Roho Mtakatifu na kuitupa. Et la vie sur elle. Na wale wange wale wa mpanjo walikuwa na. Et la vie sur elle comme roi. Walikuwa sawa na mfalme. L'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon. Walikuwa na malaika wa shimo ule wanaita mukiebrania Abaddon. Et en grec na mukigriki Apollyon. Apollyon. Le premier malheur est passé. Il est... Voici, vient encore deux malheurs après cela. Na ile ole ya kwanza wala mateso ya kwanza yanapita. Tazama kuna kucha sasa mateso ya mateso mbili kisha. Le cinquième, la cinquième trompette. Ni parapanda ya tano. Ce n'est pas ça la fin de la souffrance. Aina asema njo mwisho ya mateso hapana. Le verset 13. Mstari wa 13. Le sixième sonna de la trompette. Huyu malaika wa sita akapika parapanda. Et j'ai entendu une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Na nikasikia une sauti ya kutokea kuma pembe ine ya mazabu ya ange qui avait la trompette. Ya Mungu na kusema na ule malaika wa sita ule alikuwa na parapanda. Beli les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve of Euphrates. Ufungule ababa malaika ine venye kufungwa kule kumuto mnene ya Efrata. Et les quatre anges n'avaient pas malaika iné étaient prêts pour l'heure, Barco, le jour, le mois, siku, et l'année, wala mwezi, wala mwaka, furent déliés afin qu'ils tuent les tiers des hommes. Ili wapate kuwa kipande moja kutatu ya watu. Le cinquième ange malaika watano lui tourmente seulement yeko nangaisha bule ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu bale basipo kuwa na muri ya Mungu pendant 5 mois kadiri ya miezi 5. Mais le septième, le sixième ange, malaika, car le son de la trompette wasita, wakati, on délie les quatre anges qui sont liés sur le fleuve Euphrate. Beko na fungule ba wale ba malaika ine venye kufungwa kumuto ya Euphrate. Ce fleuve qui se trouve en Irak. Ile muto yenye patikana kule ku Irak. Et la mission spéciale. Na beko na kazi tu ya upeke. C'est tuer le tiers des hommes. Ni akuwa kipande moya kutatu ya watu. Le nombre de cavaliers de l'armée était 2 milliards. 2 milliards. Wingi ya wapanda farasi wa 2 milliards de milliards. Par contre ma maelfu na maelfu. J'ai entendu leur nombre. Nikasikia wingi yabo. Ainsi dans la vision j'ai vu des chevaux. Na hivi mwili wao. Et ceux qui montaient. Nikaona wa farasi na wale walipanda wa farasi. Et les cuirasses de couleur de feu. Wenye kwa na ngabo ya rangi ya moto. D'hyacinthe et du soufre. D'hyacinthe na soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion. Na bichwa vya mafarasi ilikuwa sawa bichwa. Et de leur bouche, ils sautaient du feu et de la fumée et du soufre. Na mubinyo yabo mulikuwa natoka moto na moshi na kibereti. Les tiers des hommes fut tués. Kipande moja kutatu ya watu wakawawa. Par ce trois fléaux. Kupitia le mapika tatu. Par le feu, la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche. Wakapikwa na moto, na moshi, na kibereti, ile ilikuwa natoka mbinyo yabo. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Wani uwezo yao wa farasi ilikuwa ndani ya mbinyo yabo na ndani ya mbinyo yabo. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes et c'est avec elle qu'elle faisait du mal. Na bicho biabo mikila yabo ilifanana na bicho ya nyoka yenye ilifanana na bicho ya nyoka. Les autres hommes ne furent pas tués par ce fléau. Et donc les autres hommes qui ne furent pas tués par ce fléau ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Na wa watu wengine wale hawakuwawe na hii mapiko, lakini hawakujute kwa ajili ya matendo zao ya mikono. Il ne cessèrent pas d'adorer les démons. Hawakuache kuabudu madhabahu. Et les idoles d'or, d'argent, de reins, de pierre et du bois. Na ma sanamu ya zahabu, ya shaba na ya mawe na ya mbao ya miti. Qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Il haiwezi wala kuona, wala kusikia. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Na wakujute kamwe kwa ajili ya uwaji yabo, kwa ajili ya bulozi yabo, kwa ajili ya buzinifu na kwa ajili ya wizi yabo. Quand quelqu'un est destiné à la perdition, wakati mtu anesha tayarishiwa kupotea, il sera certainement perdu. Akika ule mtu anapasha paka apoteye. La souffrance ne peut pas amener quelqu'un à la repentance. Mateso ayezi kama kusukuma mtu apate kutubu. Regardez ici. Tazameni hapa. Bien que ces gens ont été tourmentés, ils ont vu les autres être tués, mais malgré cela, ils sont restés incrédules. Frère, sœur, pour que tu arrives à une repentance sincère, il faut l'assistance du Saint-Esprit. Mais ici le Saint-Esprit ne sera plus. Ce sont seulement des incrédules. Ce sont seulement des méchants qui ne connaissent rien de la miséricorde dans leur cœur. Et même la punition de Dieu, les châtiments de Dieu ne peuvent pas les amener à la repentance. Au contraire, ils se sont endurcis davantage pour qu'ils subissent d'autres fouets de la colère de Dieu. Oui, bien-aimés frères et sœurs, ceux qui adoraient les idoles ont continué à les adorer. Ils ne pouvaient pas se repentir. Ceux qui ont tué des gens, qui avaient l'esprit de meurtre et qui tuaient les gens, ne se sont pas repentis. Les enchanteurs ne se sont pas repentis. Les débauchés ne se sont pas repentis. Les voleurs ne se sont pas repentis. C'est vrai, frère. Pourquoi leur nom n'a jamais été écrit dans les livres de vie de l'agneau pour être sauvés? Bien-aimés frères et sœurs, si tu as été destiné à la mort, peu importe ce que la parole de Dieu dit, dans ton cœur là, il n'y aura aucun souci pour chercher la face de Dieu. Si tu n'as jamais été prédestiné à la vie, mais pour comment le Saint-Esprit condamne le péché, là dans ton cœur, il n'y a aucun sentiment qui peut te pousser à te repentir. Parce que tu es destiné à la vie. Quand on parle du scellement du Saint-Esprit, là dans ton cœur, il n'y a aucun sentiment, il n'y a aucun souci de chercher les choses de Dieu en vous. C'est un signe qui ne trompe pas que ton âme est destinée à la colère de Dieu et à la destruction. Et c'est vrai. Comment quelqu'un peut être dans l'église où on prêche la parole comme nous le prêchons et nous la prêchons aujourd'hui, nous la prêchons aujourd'hui, nous la prêchons tous les jours ici. On apporte l'évangile. On a l'état injili. On apporte les enseignements. On a l'état mafundisho. On montre ce que Dieu fera. On a oneshi kile Mungu atafanya. Mais là dans le cœur. Lakini ndani ya moyo. Il n'y a aucun sentiment. On a mis hata kidogo. De chercher Dieu. Ya kumtafuta Mungu. C'est un signe qui ne trompe pas. Ya alama yashipa kudanga. Vous êtes destiné à la colère de Dieu. Onesha tayarishiwa kukasirani ya Mungu. Qu'attendez-vous pour être fils de Dieu? Qu'attendez-vous pour se repentir? Qu'attendez-vous pour changer la vie? Le Saint-Esprit vous a déjà dit ce que tu veux être, c'est ce que tu seras. Si tu veux être un chrétien ce soir, c'est ici, tu le seras. Parce que Jésus-Christ est encore un agneau. Si tu veux te repentir et recevoir le pardon, Jésus-Christ est encore sur le trône. Il a encore le sang entre ses mains. Tu peux te repentir et recevoir le pardon. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu vas de méchanceté en méchanceté? Vous êtes destiné à la colère de Dieu. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Bien quoi, dada. Le Saint-Esprit t'a déjà dit que le Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit, c'est la chose fondamentale. La chose la plus importante dans la vie de chaque croyant. Tu as déjà entendu cela. Et qu'est-ce que tu fais pour avoir le Saint-Esprit? Tu es destiné à la colère de l'agneau. C'est vrai, frère. Vous avez les mêmes esprits. Peu importe les châtiments de Dieu. Peu importe les jugements de Dieu. Peu importe la colère de Dieu. Ces gens ne se sont pas répandus de leur meurtre, de leur enchantement, de leur débauche, de leur vol. C'est très grave, frère. Quelle souffrance Mateso kanile qui attendent ceux qui ont rejeté la grâce de Dieu. Ile kuna chunga ile inongoja wale walikataa neema ya Mungu. Quand Dieu se met en colère, l'agneau se met en colère. Wakati Mungu anamwona kondoo anakasirika. Et que les trompettes commencent à trompeter. Na maparapanda yanaanza kulia. Et le jugement de Dieu tombe sur la terre. Et les habitants de la terre. La grâce est complètement terminée. Aucune prière ne sera exaucée. Maintenant c'est le jugement sur toute la terre. C'est vrai. Parce que Dieu maintenant veut en finir avec les méchants, avec les incrédules. Un méchant, ce n'est pas seulement celui qui tue les gens. Un méchant, ce n'est pas seulement celui qui se fâche contre les gens, qui se bagarre avec les gens. Non frère, non ma soeur. Un méchant est aussi celui qui rejette la grâce de Dieu, qui foule le sang de Christ aux pieds. C'est lui qui rejette la parole de la grâce. C'est un méchant. C'est lui qui refuse d'obéir à la parole de Dieu. C'est un méchant. C'est lui qui refuse de vivre la parole de Dieu. C'est un méchant. C'est vrai frère. C'est par méchanceté que vous refusez de vivre la parole. C'est par méchanceté que vous refusez de vous repentir. C'est par méchanceté que vous refusez de changer de comportement. C'est par méchanceté que vous n'avez pas de crainte dans votre cœur. C'est par méchanceté que vous ne respectez aucune parole qui vient de Dieu. Parce que vous êtes destiné à la colère. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. La grâce sera terminée. Nous vous en supplions, frère. Vous qui n'avez pas été destinés à la colère de Dieu. Le temps de la grâce est là. Jésus-Christ est mort pour vous. Jésus-Christ a recouvert. Il est sur le trône avec le sang frais entre ses mains pour vous. Pakitia enzi na damu mbichi. Aujourd'hui, il n'est pas un lion. Aujourd'hui, c'est un agneau. Eko mwana kondoo. Aujourd'hui, c'est un avocat. Eko mtetezi. Aujourd'hui, c'est un sacrificateur. Il est là avec le sang. Eko pale na damu. Pour plaider. Pour kusemelea. Pour tes péchés. Dieu a zambi yako. Si tu te repens ce soir, il te pardonnera. Il est là encore. N'allez pas jusqu'à subir la colère de l'agneau. Ne soyez pas méchants mon frère. Ne soyez pas méchants ma soeur. Ne croyez pas être venu trop tard. Ces choses ont été consignées dans les pas de la Bible. Oh, qu'il réveille votre esprit. Cherchez la grâce du Seigneur. C'est vrai. C'est vrai ma soeur. Aujourd'hui tu peux prier. Dieu exaucera ta prière. Dieu, comme frère Branham l'a enseigné, Mungu paka vile ndugu Branham alifundisha, Dieu répond toujours Mungu yuko najibu kila mara à une prière sincère, maombi ya uwaki, peu importe le temps que cela peut prendre. Aizuri gawie muda gani. Quand tu fais une prière sincère aujourd'hui, tunaomba na maombi ya uwaki leo, croyez que Dieu l'a entendu, uamini ya kwamba Mungu anasikia, la répondra à son temps. Na Mungu atajibia mwakati yake. Une prière sincère ne manque jamais d'être exaucée. Si aujourd'hui vous demandez le Saint-Esprit d'éternement, Dieu te donnera le Saint-Esprit. C'est vrai frère. C'est ce que le juste désire, c'est ce que Dieu fait. Ne cherchez pas le faux Saint-Esprit. Cherchez le véritable Saint-Esprit qui change ta vie, qui change ta nature. Ne cherchez pas le Saint-Esprit, le faux Saint-Esprit dans les sensations. Les sensations kutoka, ne sont pas le Saint-Esprit. Aina même les devins et les démons ont des sensations. Ils ont des sensations, mais ils n'ont aucun respect à l'égard de la parole de Dieu. La grâce est encore là. Nema ingariki. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ anampenda. Il devait venir depuis longtemps. Angekuja tangia zamani. Avant même que tu ne sois né. Bela taya wewe kuzaliwa. Mais dans son amour, alakini dans sa yake, miséricorde, yake, il a même prolongé ses jours. Il a prolongé ses jours pour yako, que tu entendes la parole qui te conduira à recevoir le véritable sceau pour échapper à la colère de l'agneau. Si tu ne peux pas te repentir aujourd'hui, si tu ne peux pas abandonner Awezi, kuacha, tes vols, mwizi yako, ta débauche, buzinifu yako, mundumba yako, tes meurtres, waji yako, vous êtes seulement destiné à la colère. Manake wewe unatayarishiwa tu ni ukasirani. Arrivé à la septième trompette. Kufika kuparapanda ya saba. Dans Apocalypse chapitre 10 verset 7. Ufunuo sura 10 mstari ya 7. Et dans Apocalypse chapitre 11. Na mufunuo sura 11. À partir du verset 15. Kuanzia mstari ya 15. La trompette du septième ange parapanda ya malaika wa saba annonce maintenant l'entrée au millénium. Inatangaza sasa kuingia mutawalo ya miaka elfu. Ça annonce le règne. Inatangaza utawalo du Seigneur ya Bwana. Le septième ange malaika sonna de la trompette. Apocalypse 11 verset 15. Ufunuo 11 mstari wa 15. Le septième ange sonna de la trompette. Malaika wa saba akapika parapanda. Et il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient. Ukakuwa mumbingu masauti ya nguvu ilikuwa nasema. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Ufalme wa ulimwengu mzima inapewa kwa Bwana wetu na kwa Kristo wake. Et il régnera au siècle des siècles. Atatawala miaka mia na mia. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre la terre et adorèrent Dieu. Na wazee makumi mbili na ine walikuwa na keti mbele ya Mungu wakaanguka. Kabudu en disant, kabudu na kusema, nous te rendons grâce. Tuna kushukuru, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bwana Mungu Mwenyezi. Qui était? Ulalikuwa. Qui est? Mwenye kuwa. Nous te rendons grâce. Tuna kushukuru, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bwana Mungu wa uwezo wote. Qui est? Mwenye kuwa. Et qui était? Ulalikuwa. Car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. C'est vrai. Regardez ici. Quand vous prenez les versets 1, 2, 3, les chapitres 1, 2, 3 de l'Apocalypse, il était toujours dit, c'est lui qui était, qui est, mwenye kuwa, et qui vient. Na ule na kuja. Mais regarde comment maintenant les 24 vieillards commencent à adorer. Ils nous te rendons grâce. Wanasema, tunakushukuru. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bwana Mungu Mwenyezi. Qui est, mwenye kuwa, et qui était, mwenye alikuwa. Vous voyez, munaona, pourquoi juu ya nini? Ils n'ont pas dit qu'il vient. Juu ya nini wasema ule kuna kuja. C'est parce qu'il était déjà venu au temps de l'enlèvement. C'est pourquoi le verset ici 17 ne dit plus qui vient. Il est déjà venu. Il a déjà enlevé son église. Ameshanyanyua kanisa yake. Maintenant, sasa, il reste que unabaki tu. Le jugement des nations. Hukumu ya mataifa. Avant d'entrer dans le millénium. Mbele ya kuingia mutawala wa miaka elfu. Quand vous prenez mukichugua Matthieu au chapitre 25. Matayo sura makumi mbili na tano. Dans son verset 31 à 32. Mustari ya makumi tatu na moja na makumi tatu na mbili. Là ça parle de jugement des nations. Yule ya hukumu ya mataifa. Il est déjà venu. Anesha kuja. C'est pourquoi les chrétiens ne disent, les anges ne disent plus, ne disent plus. Je commande aux malaïques à waseme tena. Et qui vient? Ya kwamba yuko nakuja. Lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire. Wakati mwana wa mtu atakuja mtu. Avec tous les anges. Na ba malaika bote. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Atekala pakiti ya enzi ya utukufu wake. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Ma taifa yote takusanyika mbele yake. Il séparera les uns avec les autres. Comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Atatenganisha wamoja kwa wengine sawa vile mchungaji anatenganisha wambuzi na wakondoo. Maintenant, sasa, c'est le jugement ni hukumu des nations qui est annoncé ya mataifa ya mbele que Christ ne vienne régner. Ya yeye Kristo akuje kutawala. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. C'est vrai ma soeur. Ya kweli dada yangu. Les vierges folles Babikira Bumbafu se réveilleront. Batamuka. Les 144 000 seront ressuscités. Israël avec les nations qui doivent passer au jugement. Pamoja na mataifa wale watapita katika hukumu. Avant l'entrée dans le millénium. Bele ya kuingia mutawala wa miaka elfu. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. C'est vrai ma soeur. Bia kweli dada. Mais alakini Dieu nous aime. Mungu anatupenda. Il ne veut pas asipende que nous subissions la colère de l'agneau. Maintenant, quand vous prenez Apocalypse chapitre 15, dans son verset 6 et 8, mustari ya sita na ya munane, là, pale, c'est l'annonce de cette coupe. Nikutangaza kwa mabikombe saba. C'est vrai. Nikweli. Les sept anges. Malaika Saba. Qui tenaient les sept fléaux sortir du temple. Revêtus d'un lépus éclatant. Et il y a des ceintures d'or autour de la poitrine. Menye kuvala kitani mzuri sana. Na venye kwa na mkaba mkiuno. L'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges cette coupe d'or pleine de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Akapatia bikombe saba kwa baba malaika. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et kalukayala na moshi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux de ces sept anges soient accomplis. Hakuna hata mmoja ulangewezi kuingia mwekali kufika na pale mapiko saba ya wa malaika saba ipate kutimilika. Les trompettes maparapanda ont annoncé le jugement. Inatangaza hukumu qui se sont abattus sur la colline, sur la terre. Ile ilianguka pa dunia. Ce n'est pas tout. Aia kwa mwisho. Maintenant, voilà encore l'ange qui annonce les fléaux de cette coupe qui doivent encore se verser sur la terre. Il n'a pas su vous manquer à Padonia. Voilà ceux qui attendent les incrédules. Voilà ceux qui attendent, ceux qui ont rejeté Christ. Voilà ceux qui attendent, ceux qui ont refusé de se repentir, de naître de nouveau, de recevoir le Saint-Esprit. La colère de Dieu sera certainement sur eux. Mais si vous ne voulez pas la colère de Dieu, commencez dès maintenant à te mettre en ordre avec le Seigneur. Soyez sérieux avec vous-même et soyez sérieux avec la parole que vous recevez et soyez sérieux avec Dieu. Le Seigneur vous fera grâce. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit et que l'enlèvement vienne, tu n'as pas le Saint-Esprit et que ce fléau vienne, tu n'as pas le Saint-Esprit, la colère de Dieu, la colère de l'agneau sera sur vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je diminue encore mes 5 minutes. Je reste avec votre dette de 20 minutes. Lèvons-nous pour la prière. Bien-aimés frères et sœurs, le temps de la grâce c'est maintenant. La colère de l'agneau va bientôt tomber sur la terre, sur les incrédules, les pécheurs, les méchants qui ont refusé de se repentir. Ceux qui ont pris plaisir au péché subiront la colère de l'agneau. Prions. Seigneur Jésus.